On est avec Julien Bernatchez. Entrez-vous. De retour. C'est exact. Fort fringant, disponible. Non, pas, non. Mais, ouais, effectivement, j'ai été absent pendant un mois. Je m'excuse à tous les auditeurs fidèles, mais là, à partir de maintenant, je vais être là toutes les semaines ou deux semaines. Moi, j'ai rien vu. Ah, c'est cute. Oui. Et puis, de l'autre côté, on a Andy. Toi, t'es comme suppléant à Bruno parce que. Ben, je me suis dit qu'il manquait deux chroniques à voler. Ben, trois, dans le fond, si je prends Dieu. Mais Dieu, ça va être dur à tacler, là. Mm-hmm. Mais, il manquait Bruno, la chronique à Bruno, puis la chronique à Étienne. Fait que. Étienne, il est comme un petit peu trop spécialiste. Ça me prend plus de temps à me préparer. Des nouvelles, c'est super facile à trouver. On voit qu'il met beaucoup de temps à se préparer, Étienne. Oui, voilà. Et puis, d'ailleurs, il finit, lui, son été de prof de cégep avec sa famille. Donc, on c'est le salue. Exact. Il est quelque part dans l'Est. Je pense qu'on a parlé du lac Saint-Jean ou de Orlando, en Floride. C'est là qu'il dit juste des menteries. Il était pas au lac Titicaca. Voilà. Donc, Étienne Forêt, bonjour. Et ça me rappelle aussi que je voulais saluer Danny Daniel parce que la semaine passée, il nous a envoyé une nouvelle toune. C'est lui qui vient de chanter en duo avec Dieu. Pour introduire l'émission, une émission qui est assez loadée aujourd'hui, il faut être prêt, c'est beaucoup moi qui va parler, mais on va avoir Mathieu Boudreau aussi qui est avec nous, avec son ami Louis. Ils vont nous présenter une nouveauté spéciale croustillante. J'ai entendu dire que ça va être spécial et croustillant. J'aimerais profiter aussi de remercier les gens qui sont venus à notre party de vendredi passé. Ça a bien été, c'était Noël du campeur, et pour une dernière fois, avant, pas longtemps, là, joyeux Noël tout le monde. Joyeux Noël tout le monde. Ça a été très, très plaisant comme aventure. C'est ça de quoi on va parler aujourd'hui. Ah oui, le film qui a été voté, c'est l'excellent Striker. Striker, ça nous rappelle Striker, qui est un de nos amis, qui est présentement en prison. Mais ça nous rappelle aussi un des premiers films de Frank Zaccarino. Ça a été fait pour Enzo G. Castellari. Il y a des hélicoptères qui explosent, ça se passe dans la jungle. Tout ce qui fait nos lundis soirs, comme on les aime. Là, parce que la semaine passée, c'était un peu mou. Avec la femme dragon, ça s'est rendu de peine et de misère à moins 5, mais cette semaine, on le défonce dès qu'on commence le film. Et là-dessus, première partie de l'émission, c'est Fred qui me l'a trouvé. Il était à 16,99 au départ. Puis là, il y a comme une pile de tags qu'on voit pas. Et il l'a finalement acheté pour 97 cents. Il change les prix en descendant. C'est Éric Lapointe, mon émésis, faut le dire, qui a sorti une affaire, ça s'appelle les ma peau, 6 mois dans ma peau. Yish. Donc, on va commencer. Quand on est plus capable, les gars, vous dites fast forward, là, on va dire ça à Dieu. Fast forward. Dieu, tu peux lancer l'aventure, Éric Lapointe. On va se dévierger tout le monde ensemble. Je ne l'ai pas encore écouté. Ça commence la première pièce. C'est mon nouveau tatou. Fast forward. On est dans le générique. C'est, ouais, c'est un crotal, donc crotal. Oh. Super, même. Générique, Éric Lapointe, il a l'air malade. Déjà, ça commence bien, voilà. Oh! Okay, c'est un vrai tatou. Ben là, il y en a déjà plein. Il est avec sa femme. C'est vraiment donc Éric Lapointe qui s'en va avec sa femme se faire faire un nouveau tatou sur le dos. Avec la musique rock. Tout le monde pense qu'on s'amuse, c'est beau le rock'n'roll, c'est beau le rock'n'roll. Je travaille comme un nasty down dans des conditions exécrables. C'est ça la toute, mon down. Ah, on est vraiment à deux pieds dans son intimité. J'adore ça, Adam. Oh! Ah, c'est beau poule. Ah, dehors. C'est bon. Je comprends pas qu'il ait baissé le prix de ce produit-là. Moi non plus, hein. Pourtant, c'est en haute définition, pis tout. Bon, ça y est, il connaît sa table. Il connaît sa table, là. Nous, on le connaît un peu plus. La claque 2, faut qu'elle le grosseur. Hey, avance de 5 minutes. Moi, je sais pas. Hey, j'aime ça, moi. Okay. On vient juste de commencer, là, dans une table. Il a déjà fait un tatou. Il a déjà fait un tatou. Il a joué au pot. Un homme qui rêve pas, c'est un homme mort. Le diable, c'est supposé d'être mon chum. Le diable de mon ben là, là, faut que ça, Black, là. Le chef de TV, on sort. Oh, mais t'es d'homme! J'ai été mardi en estime, hein, pas de jour. J'aimerais faire remarquer un détail. C'est un documentaire qui se passe pendant 6 mois, ouais. Compressé en 30 minutes. Et ça fait déjà 3 minutes qu'on est autour de la table de poule. Ouais, ouais, ouais. Ben, on comprend les antagonistes. Ils ont du plaisir, même dans de la compétition. Attends, je pense qu'on vient de remarquer. Attends, 2 minutes. Je suis tanné. On va réentendre ça, écoutez ça. On est des hosties de clowns. Juste des clowns. Oh, sur la corde. Je suis tanné. Il vient d'avouer qu'ils sont des clowns. C'est de toute beauté. On va aller écrire une tonne. On recommence, c'est de la merde. Turquoise à trois gars sous. Pour le faire. Ben ouais, le challenge. C'est comme une heure qui commence à luire. Ça, c'est... Ah, tu vois. C'est là que c'est né, là, là. Ça a l'air des îles turquoises. Pareil, pareil qu'Éric Lapointe. Il fait quelque chose, ça. Il va pas nous faire du ski nautique dans la face. Non, c'est... il va faire de la brume. Dans ma bouche? Dans sa bouche. Dans... Ma peau, c'était l'album Avant le ciel de mes convois, duquel vient la tourne Ma peau. L'autre, la brume. Tournée en même place, j'imagine. Ouais, ben. En fait, ils ont un attachement pour les îles turquoises. Ben, les îles turquoises, c'est un petit peu comme la Suisse pour l'Amérique du Nord. Puis même plus pour les Québécois, parce que les Bahamas, c'est pour les Américains aussi, mais c'est pas mal un paradis fiscal. Il y a beaucoup de vedettes qui ont des maisons là, juste pour. Ça coûte moins cher d'impôts, mettons. Ouais. Parce qu'on est des artistes, nous, monsieur, dames. Des artistes! On souffre grandement. Quel clown! Est-ce qu'il vient de rire de nous dans notre face? Je pense qu'il vient de rire de nous autres. Heureusement qu'on rit pas de lui. On rit d'avec lui. Ah, il pratique sa voix, là. Oh non, c'est de la mort, ce orphelin. Les bonnes, pas souffert assez. Belle main, manque de souffrance. Ouais, c'est long, hein? Mais c'est moche. Dans le fond, il était juste en train de s'endormir, puis lui, il nous a passé ça comme si c'était un moment d'intense introspection. Moi, au niveau de l'interprétation, je vais vous la donner. Parce qu'il est sûr. Ah, une petite référence à d'autres, parce que c'est par l'alcool là-dedans. Ah non, c'est clair, on a tout entendu. Il y a peut-être juste Nige que j'aime ça. La peau. Et puis le cobra qui revient à toutes les... 3 minutes Attends une minute, il vient de dire « C'était jamais dur de même » dans « Beau dommage oh, » puis ouais. Il parle d'une chanson d'Éric Lapointe. Mais c'est parce qu'il travaillait avec des professionnels dans le temps. J'ai encore sur les mains le parfum du désir, la musique de ses seins. C'est toujours rêvé de participer à tes albums. J'étais où de même? Je me disais un jour. Écoute, Eric, ce que j'ai écrit pour toi, là, je l'aurais écrit pour n'importe qui. Ça m'a dit. Non, enfin, un peu de vérité à travers tout ça. Comme ça. Ça va peut-être un autre. La pire affaire. Ah, ouais. Let's go, gang. On va aller voir. Faudrait faudrait avancer un peu. Un peu. On va s'empêtrer là-dedans. Combien de temps il nous reste? Bon. Oh, on n'est pas très loin. On est juste rendu là. On écoute-tu d'autres la semaine prochaine d'abord? On va faire tout complet en trois parties. On va faire Guy, là, puis après ça, on va revenir au show. OK. Guy Bélanger, mesdames et messieurs. Un harmoniciste. Harmoniciste innocent. All right. Yes. M'a dit Guy. Aïe, moi, j'ai hâte de tenir ça. Ouais, je profite du fait que c'est intéressant ça pour mentionner que le mois de juillet, je l'ai appris cette semaine, c'est le mois de la Heterosexual Awareness. Il y a une page sur Facebook que j'ai trouvée assez excellente. Il y avait des photos de gens qui souffraient sur Facebook. Si tu peux la trouver, Dieu, c'est la seule photo que j'ai donnée dans mes petits clips d'aujourd'hui. Vous allez voir, c'est pas une blague. C'est que maintenant, les hétérosexuels aussi, on est victime de discrimination. Ça, c'est vrai. Par une gang de gays qui nous conseillent. Donc, moi, ce que j'ai plus déduit là-dedans, c'est que maintenant, peu importe qui t'étais, tu pouvais être une victime. Et ça, je trouve que c'est fort comme propos. C'est important. Est-ce que tu trouvais la photo, Dieu? Vous allez voir, c'est assez fabuleux. OK. Puis sinon, moi, cette semaine aussi, je suis allé sur mon compte parce que j'avais parti dans le temps un compte Facebook que j'ai appelé Dieu le Père. Je trouvais ça bien drôle. Ah, Lena, je suis seul à voir comme... Puis là, c'est ça, je vais poster une couple d'affaires drôles, mais à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il en avait plein. Fait que là, puis là, ben, j'ai comme gardé les meilleures interactions, là, puis celle-là était pas pire, parce que, tu sais, Étienne, c'est un de mes amis, et il a reçu sur son mur, il était écrit « Dieu le Père, help him find his friends, suggest people he may know », tu sais, avec les pitons, l'affaire. Puis là, il y a Étienne qui a écrit « De toute évidence, il ne lui reste que 13 amis, je pense qu'il est temps d'aller le placer dans un foyer de Dieu âgé, puis de venir le visiter juste une fois par année, 15 minutes, avec une boîte de chocolat cheap. » J'en ai plein d'autres comme ça, je vais aller sortir au fil du temps. Là-dessus, on va regarder, ce n'est pas une blague, c'est le Heterosexual Awareness Month, c'est le mois de juillet. Arrêtez, s'il vous plaît, de boulier, de okay. maltraiter, de faire... Qui boulie les hétéros exactement? Tout le reste. Arrêtez! Arrêtez, bon! Fait que là-dessus, ça nous fait... C'est pas les subtilités de la... Il y en a pas vraiment. C'est ça, la subtilité. On va aller écouter un premier clip, là. Ça va être de Jim Duchesne et Mélodie. Ça vient de... Ouais, c'est avec toi, c'est avec toi. On va revenir à 70% sur les ondes, comme Dieu dit. Tout2.tv, mesdames et messieurs. Oh yeah! La télé est délaissée. Mais ici, c'est la même chose. T'es allé trop vite, Jim. Mais dis-moi une force, OK? Il faut que ça soit plus doux. On va pour une dernière fois aujourd'hui, Phil? Oui. OK. Oublie le reste. Ta toune, là. Chante-la pour moi. Juste pour moi. Toi, je prendrai la chance. Déjà, je sens que je change. Plus rien pourra m'arrêter quand tu vois, j'ai déjà commencé. Déjà, je sais qu'on ira loin. pas un souper, ça? C'est qui ça, nos légumes? Tu veux des légumes? Tiens! Mange ketchup! Tu veux des légumes chauds? Je peux te faire chauffer du ketchup si tu veux. Oh, t'es pas faim! Oh yes, la chronique à Bruno! Sur douteux.tv, les manchères internationales, avec Bruno Corbin. Ah, la moustache de Bruno! Vas-y, Andy, go! En mémoire de Bruno. Ah, tu voulais faire sage? Feu Bruno. Les policiers chargés de la surveillance du stade de Wembley pour les Jeux olympiques, lol, où ont lieu certains matchs du tournoi olympique de football, ont avoué lundi avoir perdu les clés du site à l'occasion d'une visite de sécurité avant le début des Jeux olympiques. Scotland Yard a été saisi de cet incident, mais les organisateurs ont affirmé que la sécurité du site n'avait à aucun moment été affectée. Le Lococ, qui est les organisateurs, a également souligné que les clés égarées étaient celles de portes intérieures, ajoutant que les serrures avaient été changées dans la foulée. Mardi matin, note de la rédaction, 24 juillet, des policiers déployés au stade de Wembley ont signalé que des clés dont ils se servaient pour fouiller à l'intérieur du site étaient manquantes, a expliqué une porte-parole de la police. Une enquête a été ouverte pour savoir s'il s'agissait d'un acte de malveillance, a-t-elle ajouté, insistant sur le fait que ce n'était pas le cas. Il n'y a absolument aucun risque concernant la sécurité du stade, car des mesures ont été immédiatement prises pour sécuriser tous les secteurs importants du site. Un porte-parole des Jeux a lui aussi souligné que la sécurité du stade de Wembley n'avait pas été compromise. C'était les clés de porte intérieure, les serrures ont été changées. Merci, sécurité. Ils se sont emborrés dans le char. Ouais, complètement. Vas-y, continue une autre. OK. Un Australien a été gravement brûlé après avoir placé entre ses fesses un bâton de feu d'artifice allumé pour faire une blague lors d'une soirée, a rapporté lundi la presse australienne. L'accident s'est produit samedi soir à Rapid Creek, une banlieue de Darwin. Darwin. Ah, Darwin. Dans le territoire du Nord, dans le nord de l'Australie. Il semble que la soirée allait bon train lorsqu'un jeune homme a eu l'idée de placer un bâton de feu d'artifice entre ses fesses et de l'allumer. Ça peut juste bien finir, ça. A raconté une porte-parole de la police, Gary Smith, à l'Australian Broadcast Corporation. Ce qui paraissait être une bonne idée sur le moment a mal tourné. L'homme souffre de blessures sérieuses et douloureuses sur les fesses, le dos et ses parties intimes, a ajouté le policier. Le jeune homme a été hospitalisé. Il est en outre illégal d'allumer des feux d'artifice dans la région de Darwin, sauf le 1er juillet. Il est en outre. Oui, en outre. Oui. Pour de vrai? De feux d'artifice? Ah non, pas de partie brûlée. Ah oui. Pas de moi. Ok. Je dois vous avertir, si vous avez le cœur sensible, s'abstenir parce que dans 3, 2, 1. Yeah. Ok, on l'a assez vu. On l'a assez vu. Ah non, c'est Andy, ça. Alors. Ah ouais, c'est pas un cul qui est tout brûlé, non, c'est que, Andy. Je pensais que c'était un cul brûlé. C'est exactement la même chose. Ah ben, on a le même combat. Sauf le 1er juillet, jour du. Jour de fête du territoire, les contrevenants risquent une amende de 282 $ australiens. J'ai, dans un autre article, confirmé qu'il a en effet mangé une amende de 282 $ australiens. Ah bon. On y va pour un autre? Ça finit bien, ça pouvait juste bien finir. J'adore le titre, c'est assez frappant. Un violeur de moutons recherché en Suède. Ah. Le suspect est de faible gabarit. En Suède? Oui, en Suède. Caché vos moutons. Il est habillé en Suède. Ben, c'est ça que je pensais. Le suspect est de faible gabarit, pour ceux qui pourraient le voir, là. Âgé de 60 à 70 ans et ne porte pas de pantalon. La police de Ronneby, en Suède, recherche, grâce à cette description fournie par un témoin, un homme soupçonné d'avoir violé un mouton. C'est un employé de ferme qui a surpris l'individu alors qu'il faisait subir les derniers outrages à sa victime, dont il avait pris soin de lier les pattes arrière. Choqué, l'homme n'a pas eu le temps d'intervenir et a laissé filer le suspect, qui pourrait s'en tirer à bon compte. Hey boy. Qui pourrait s'en tirer à bon compte, c'est la partie intéressante, s'il est établi que l'animal n'a pas été blessé. Parce que la Suède a en effet dépénalisé la zoophilie en 1944 et ne punit que les actes de cruauté. Donc, si le mouton va bien, on ne le poursuivra pas. OK, c'est comme ça qu'ils violaient les moutons. Ah ben merci beaucoup Wendy, ça oui. Je sais pas qu'est-ce qui a mené à ce qu'on veuille décriminaliser la zoophilie. C'est exactement la question que je me suis posée. Ouais, c'est ça, en 1944, tout t'as tapé zoophilie Google. On rappelle qu'au Canada, c'est légal, tu peux la zoophilie, c'est pas illégal. C'est pas illégal, vraiment? Ça? Non, non. Ah, ouais. Mais la cruauté l'est, donc. Tant qu'on ne revient pas à d'autres lois, là, comme, mettons, être obscène. Ou, ouais. Il y avait un moment donné qui faisait ça avec sa truie en avant d'une place où il y avait des étudiants qui débarquaient des autobus. Yeah. Puis, ouais, c'est ça, là, fait que c'était quand même... Fait que c'est le même concept qu'en Suède. Il y avait une photo Suède, du gars sur le dessus du journal de Montréal. Je me souviens. Fait que c'est comme en Suède, finalement. C'est que pareil. La cruauté est pénalisée, c'est mais, ça, pas, mais pas la zoophilie. Pas de lui faire des massages. Fait que, un condom. Fait que le mouton, s'il est d'accord, la vie est belle. Là-dessus, ça va suivre avec Bernatché. Bon, il y a son petit indicatif, ou... Je pense que oui. C'est toutes les faces. Toutes les faces. Oh! Oui, oui, oui. Quoi de neuf de terre? Donc, Bernatché, qu'est-ce que tu as vécu de nouveau et de rafraîchissant depuis ces dernières semaines? Rien. Fait que non, c'est ça. Well. Ça fait plus d'un mois que j'ai pas fait de chronique BD. J'étais absent, j'avais des spectacles juste pour être très drôle, aucun de vous est venu. Et il y a eu beaucoup de... Il ouais, mais faut payer de l'argent, ouais, j'ai pas raison. Ah, c'est un bon point, mais... Si tu nous le fais et que tu charges, je m'en retourne de voir, moi. OK, c'est bon. Il y a eu beaucoup de grosses nouvelles dans ce que j'appelle la planète BD, dans le dernier mois, pendant mon absence, mais je les ai pas lues, fait que je les connais pas. J'ai pas lu aucune BD, en fait, depuis des mois. J'ai joué à Max Payne. Le 3. Max Payne 3. Il est-tu bon? Alors, je vais faire une chronique ce mois-ci sur les oursons Berenstein. Exactement. Voilà. On l'a vu venir. On l'a vu venir, ben oui. Oui. Ça se dirigeait vers ça. Vous êtes familier avec les oursons Berenstein? Oui. Ouais, moi, oui. Oui, voilà. C'est très inoffensif. Oui, c'est très inoffensif. Ouais, c'est alors, écoute, rapidement, on se situe. Les oursons Berenstein sont nés au début des années 60 par le couple les Berenstein, là, que j'ai pas le nom nulle part. Dès le début, ils ont dessiné, ils ont choisi de prendre des ours parce que c'était facile à dessiner et que les mâles ours, semble-t-il, font de très bonnes mères et que les mâles ours sont des pères paresseux. Ah, pareil que, comme dans la vraie vie. Semble-t-il. Fait c'est Homer et Marge avant le temps. Genre, ben oui. Fait que c'est ça, ils ont misé dès le début avec la paresse et les stéréotypes des, en partant. Et le premier livre qu'ils ont fait, c'était The Big Honey Hunt en 1962. Puis à ce moment-là, il n'y a pas d'intention qu'il y ait de suite à ça. Puis le livre suivant qu'ils ont fait, c'est un livre avec des pingouins. Imaginez-vous donc. Puis là, il y a leur éditeur qui les a appelés. Puis il a fait non, le livre des ours, il vend en tabarnak. Fait qu'il fait. Puis là, finalement, ben, par la suite, ils ont fait. Ça a tué la famille Pingu. Ça a tué les pingouins. Moi, je voulais faire une chronique là-dessus. Puis finalement, ben, ils en sont venus à revenir aux oursons. Ben voilà, c'est le premier livre des oursons Berenstein. Bravo. Fait qu'après ça, ben finalement, ils sont venus aux oursons Berenstein jusqu'à la fin de leur vie. Et la maman, d'ailleurs, est décédée récemment, en février 2012, Madame Berenstein. Oh ben... Son mari est mort en 2005. Elle faisait les dessins et il écrivait les textes. Je me demandais, il y avait combien d'albums de son Berenstein? Fait que j'ai fait imprimer la liste à la job. Quand tu dis que les oursons Berenstein, à la base, ça gaspille du papier, là, imprimer la liste de leur livre, c'est pas mieux. C'est 9 pages. J'ai 9 pages, tabarnak. Chris, hein, fait que dans le fond, l'éditeur, il les a mis dans une cage, puis il a dit, vous me faites des oursons. Ouais, sans arrêt. Non, il va en crise, mort, des ours. Fait que voilà, j'ai juste noté quelques titres que je trouve intéressants. Les oursons Berenstein visitent le dentiste. Les oursons Berenstein oublient leurs bonnes manières. Apprennent à propos des étrangers. Celui-là ici, les oursons Berenstein sur la lune. Il m'intrigue, oh. Celui-là. Chris, hein? Ouais. Il allait au dentiste avant, ils sont rendus ça. Après ça, les oursons Berenstein et le miel manquant. Les oursons Berenstein font un cauchemar. Les oursons Berenstein au Teen Rock Café. M'intrigue, celui-là aussi. Les oursons Berenstein and the Drug Free Zone. Yeah, bye bye, hein? And the Drug Free Zone. Il y en a un contre la drogue, on reviendra peut-être là-dessus. Les oursons Berenstein perdus dans le cyberespace. C'est sorti en 99, donc on voit qu'il y avait peut-être une tentative. Hey, mon gars, ils vont partout. Une tentative de mettre ça à jour. C'est encore plus vaste que Spirou et Fantasio. Tout à fait. Les oursons Berenstein au musée de cire. Les oursons Berenstein et le petit pot. Les oursons Berenstein, no guns allowed. Oh. Et le petit pot. Ben, ma potty and I, en fait. Mm. Je l'ai traduit libéralement. OK, c'est pas chronologique. Non, ben, c'est. Non, ben, j'ai tout le temps là, mais c'est ça. Depuis. J'ai pas le chiffre, mais on parle de 1962 à 2011, on parle de 9 pages pleines. De marde. Fait que c'est ça, Berenstain. Ensuite de ça, aussi rapidement, on a appris qu'il voulait faire un film de Susan Berenstain, parce qu'il restait ça qui n'avait pas encore été fait. J'avoue. Hein? Qui serait réalisé par... Michael Bay? Non, malheureusement. Voilà, je l'ai. Qui serait réalisé par M. Sean Levy, qui nous a offert Real Steel l'an passé, que je crois qu'il avait beaucoup apprécié. Ah, c'est pas mal moins 5. Et sinon, Uni au musée 1 et 2. Il voudrait faire un film dans lequel les Ossons Berenstain seraient faits comme par ordinateur, puis il y aurait des humains. Même si on voit ça dans comme Garfield, comme Schtroumpf. Comme Schtroumpf, comme tout. Puis il dit que. Comme Howard the Duck. Ça va être witty, but never sarcastic. Alors ça va être intelligent sans jamais être. Méchant. Sans rire du. Ça a été annoncé en 2009 et en 2012, le projet est toujours au stade de scénario. Mais on attend ça. Pas boy, hein. Mais j'avoue qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de recherches à faire pour satisfaire aux fans hardcore des oursons Berenstain. Tout à fait. Non, sur Berenstain, c'est aussi 50 millions de dollars par année de produits dérivés, 150 produits différents, plusieurs séries télé, aussi une comédie musicale, The Berenstain Bear Save Christmas, The Musical. Alors, comme plusieurs personnages fictifs, les oursons Berenstain ont sauvé Noël aussi et en ont fait une comédie musicale. Alors, voilà. Mais Susan Berenstain, en dehors de tout ça, c'est aussi des jeux vidéo. Et c'est ça le but de ma chronique. Moi, je te voyais venir. Moi, tu patinais autour, là. Tu patinais, c'est ça. T'as dit tantôt que c'était un film, le seul médium qui nous manquait. Ça l'impliquait des jeux vidéo. Ça l'impliquait les jeux vidéo, puis aussi, tu as envoyé les mails à toi aussi tantôt. Mais j'ai pas checké. Moi, j'ai tout passé ça à Jean-Paul. Donc, les jeux vidéo de Susan Berenstain, sont pas nombreux, malheureusement, même si c'est un univers riche en péripéties, comme le dentiste et tout ça. Mais je les ai toutes relevées. Oui, le dentiste, la lune. Il y a d'abord The Berenstain Bears Learning at Home Volume 1. Ça, j'ai réussi à trouver aucune image, puis il n'y a jamais eu de Volume 2. Alors bon. Ensuite de ça, il y a... C'est bon, ça s'appelle Volume 1. Oui, Volume 1 en 94, j'ai pas eu de Volume 2. Ensuite de ça, la première vidéo du The Berenstain Bear Gets in a Fight. Ouh. Voilà. Alors, les autres en scène ont une bagarre. Avant ça, non, mais juste le petit secret. Ça, c'est le menu début. Click right here. Or, if you want to play, c'est un point and click, comme il s'en fait heureusement plus vraiment. Ça ressemble au jeu des Schtroumpfs que tu nous avais montré. Mais ici, on peut les regarder danser. On peut les regarder danser dans 30 secondes. Hey, boy. Get to the fight! En parlant sur le titre que ça allait être un rip-off de Street Fighter, mais c'est... Ils ont des astuces de mots, là-dessus. Quand même. Oui. Mais non, mais ils se battent pas, aussi. Fait que maintenant, avance-le, voilà. Fait que là, avance-le n'importe où, plus loin. Fait que voilà, c'est un point technique, puis c'est de la mort. Ensuite de ça, il y a The Berenstain Bears and the Spooky Old Tree au Game Boy Advance, si tu peux mettre la prochaine vidéo. Au Game Boy Advance? OK, t'en parles pas plus longtemps que ça, là. Non, y a rien à dire là-dessus. C'est vrai que c'est plate, je suis rendu à la fin. Ben c'est ça, c'est un point and click, tu fais juste... Qui est dans le fond comme le livre du même nom, mais de manière interactive, qui fait une chose de la même façon. Ensuite de ça, The Berenstain Bears and the Spooky Old Tree, basé sur le livre du même nom aussi. Le roman était bien. Le roman. Fait que quand tu dis que la vie est courte puis on vit rien qu'une fois, là, ben, tu sais, joue à ce jeu-là. On peut voir les images. Et boboy, hein. Voilà. C'est dans. C'est une coquette. Y a-tu des power-ups, quelque chose? Je sais pas, j'ai juste regardé comme 50 avance-les secondes. Avance-les pas mal plus loin, Dieu. C'est tellement juste un skin qu'ils ont mis par-dessus un jeu déjà. Avance-les plus loin, là. Mais non, mais y'achève. Y'achève. Ah, ben, ok. Voilà. C'était un petit peu ça. Les affaires inintéressantes. Oui. Et ensuite de ça, peut-être le plus connu des jeux, même si personne ne le connaît, les Berenstain Bear Camping Adventure au Sega Genesis et au Sega Game Gear. Yeah. Là, j'ai des images Sega Genesis. Là, j'avais bien la misère à trouver une vidéo, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui parle par-dessus, là. Fait que là, arrêtez de faire des vidéos de jeux vidéo, parce que vous parlez tout le temps ça, hein? Tout le temps ça. Ouais. Mais t'es critique, c'est normal. C'était le 9e, vrai, que j'ai cliqué dessus. Tous les autres, c'est comme, oh, salut les gars, fait qu'aujourd'hui, je vais jouer à Berenstain Bear Camping Adventure. Oh, ils savent, ils vont arrêter, les gars. Là, ils chialent, puis... Alors, on voit qu'on peut choisir entre le gars ou la fille, on va pas très bien, mais t'as le choix entre les deux, mais le meilleur choix est évidemment de coller le jeu au vidange. C'est un jeu de plateforme au Sega Genesis, tout ce qui s'en fait de plus banal. Encore dans une caverne, d'ailleurs. Ouais, hein? toujours. Ils sont encore à deux, ça a l'air assez inséparable. Ouais, toujours en co-op à celle-là. Ouais. Que, ben, ils ont fait un enfant, je pense. Avec un ennemi, peut-être. C'est l'être quand il saute. Et je me gardais le meilleur pour la fin. Ça dans le trou. Ils font à la Super Mario. Quand on parle, quand on dit extrême, on dit tout sauf les oursons Bernstein. Ben, pas aux yeux de certaines personnes qui ont fait le jeu vidéo suivant. Extreme Sports with the Bernstein Bears. Eh, yeah, boy. Qui est un jeu au Game Boy Color. Ah, en 2000? En 2000? Voilà. Donc, j'avoue qu'un ours en vélo, c'est quand même assez extrême, là, mais... Le meilleur pour la fin, voilà. Le meilleur pour la fin, ben juste, je disais, tu sais, Bernstein Bear in extreme sport, ouais. Extreme Bernstein. Sont tellement pas extreme. Non, ouais, mais le fils Bernstein, il faisait pas genre du skateboard ou quelque chose de même. Hein. On peut pas. Finalement, ça, c'est un jeu, d'ailleurs, celui-là a quelques critiques, contrairement aux autres, c'est un jeu qui, puis ils sont extrêmement mauvaises. Ben c'est oui. C'est le jeu s'adresse à... Mets les autres vidéos aux 30 secondes, genre. C'est les autres jeux. OK, le tu commences, t'as ces 6 jeux-là. Le jeu est composé de 4 ou 6 jeux, dépendant de mes sources. Les jeux, sont... Les jeux, c'est ça. C'est tout le temps ça. Fait que dans le fond, c'est la variation sur la même affaire. Ouais. C'est Chopper Command, ça, en fait. Puis, le jeu aussi s'adresse, évidemment, à un public enfant. C'est les oursons Bernstein. Mais le jeu est extrêmement difficile. Même au plus facile. Ce qui fait que c'est non seulement c'est lettre, c'est pas respectueux de, ouais, de l'affaire de base qui est de la merde. Du public cible non mais plus. Public cible non plus parce que c'est trop difficile pour les enfants. Aïe, aïe, man, c'est... Fait que voilà, et oh, c'est en skate. Alors voilà. C'est quoi le but? Y a-t-il une fin à la course à un moment donné? Tu peux passer pas à l'autre épreuve? J'ai pas jusqu'à la fin, mais je pense que c'est de la merde la fin. Ouais. elle existe pas, c'est une promesse. Bah, ah ouais, y a un pénis. Pénis, bravo. Tu peux passer à le Game Boy à ton petit frère, pas de pied aller te suicider. Ouais. Oh. Bravo, Brother Bear. Ah, il est bon. D'ailleurs, même, il y a un site de jeu qui l'avait carrément mis dans son top 20 des pires jeux vidéo. Oh shit, hein. En 20e position. Bon. Mais tu sais, il est quand même peut-être dans le même lieu. Attends. 20e ouais, sur les milliards qu'il ben, y a. C'est ça, c'est beaucoup. Ça. Ben, c'est pas mal. C'est une liste, tu comprends évidemment. E.T., Superman 64, White Man Can Drum, Révolution X, BBC 3D. White Man Can Drum. Ouais, c'est le seul jeu vidéo basé sur le film. Et c'était au Atari. Atari Lynx. Ah, la Lynx! Au Lynx, mais ça, c'est pour une autre fois. Ouais, bah, ouais, parce que les Lynx, c'est assez difficile à découvrir. Merci beaucoup, Julien Bernatier. Alors voilà, c'était les oursons Bernstein et leur multitude d'apparitions dans les jeux vidéo. Ben oui, t'es revenu solide là-dessus. Là. Hey, là-dessus, on s'en va écouter une excellente chanson encore une fois. Moi, je l'ai découvert dernièrement en triant des clips. C'est Jean-Pierre Sauza, c'est la fête à la musique. Puis en revenant, ça va être des extraits du clip. Ben, du film. C'est ça, là. Bon. De la musique, toute la France se met à chanter, entouré par la Java, et puis boire du champagne. C'est la fête de la musique, on chante plus à voir de voix, les chansons nos plus belles jamais. C'est la fête de la musique, au canet nous les artistes, on enregistre, on fait des disques, c'est le bonheur pour s'éclater. Chantez les chansons que vous aimez. Monsieur le ministre de la Culture a donné le jour de fête pour aller danser. Aujourd'hui c'est la fête de la musique, toute la France se met à chanter, se retrouver par la java et puis boire du champagne. C'est la fête de la musique, on chante plus à boire de voix. Chansons les plus belles jamais, c'est la fête de la musique. Tout année, nous les artistes, on enregistre, on fait des geeks. C'est le bonheur pour s'éclater, chanter les chansons que vous aimez. C'est la fête de la musique, on chante plus à voir de voix. Les chansons les plus belles années, c'est la fête de la musique. Tout année, nous les artistes, on enregistre. bonheur vous éclater. Chantez les chansons que vous aimez. Fait de la musique, on chante plus à voix de voix, les chansons de plus belles années, c'est la fête de la musique, toute année nous les artistes, on enregistre, on fait des listes, c'est bonheur pour s'éclater, chanter les chansons que vous aimez, c'est la fête de la musique, on chante plus à voix de voix, les chansons de plus belles années, c'est la fête de la musique. Separately from Play School. Oh. Wow! Hey, mets-nous l'affaire de Rambo 2, puis on va se lancer dans mon petit texte pour commencer. Parce que j'ai dit que c'était des extraits du film de ce soir, mais c'est des extraits de films de la vie, on va dire, plutôt. Hein? Vous allez voir, ça va être beau. On commence, en fait, j'adore cette séquence. Des séquences de Rambo quand on est supposé de parler de films de Enzo G. Castellari, du reste et des affaires. En fait, c'est parce qu'il est arrivé souvent dans la vie qu'un succès dans un domaine encourage l'existence d'autres créations similaires ou appartenant au même domaine. C'est à peu près comme de la même manière. Dommages collatéraux. Rambo 2 est sûrement un des plus importants de ces icônes qui a créé pas mal de répercussions, le One Man Army. Et puis, je vais vous expliquer pourquoi que Rambo 2 a été si populaire dans le temps du temps de Rambo 2. Tu peux partir le gentil trailer, mon Dieu, parce que ça va faire des belles images à la place de ma face barbue. Donc, dans l'imaginaire collectif américain, les Américains ont l'armée la plus puissante au monde, puis il n'y a rien qui peut les arrêter, et c'est la police du monde. Ça, c'est surtout en 1960-70, tu sais. Rambo explique le pourquoi de leur seul... Parvenir à l'excuser de géniale façon. Donc, tout d'abord, Rambo. Rambo, c'est un soldat comme les autres, débrouillard, fort, fier. Il peut sortir de tous les traquenards et se nourrit de boue intestinale sans aucun problème. Il est droit et sa morale est invincible, bien axée sur les bords du drapeau et les lignes de la Bible. Rambo représente les soldats américains, tous les soldats américains. Ce sont les soldats américains. Ensuite, le nœud de l'intrigue dans Rambo, on l'oublie souvent, mais c'est qu'il est supposé aller prendre des photos de soldats prisonniers de guerre dans des camps vietnamiens. Au début, il se fait donner par le bureaucrate, il se fait donner un équipement de photographie. Malheureusement, un accident au tout début du film, avant même qu'il débarque, tu sais, il est comme le bloc bloc, puis il balotte en arrière de l'avion, puis il est obligé de couper quelque chose. Mais il coupe la ganse de son système de photographie. Un accident tout début du film qui fait que Rambo est séparé de son équipement de photographie. Il devra donc prendre d'assaut le camp de putain de citron pour ramener un POW pour prouver qu'il y a des Américains encore abandonnés là-bas. Là, le bureaucrate va laisser Rambo aux mains des Viet Cong parce que c'est un mot diplomatique. Il n'était pas supposé ramener des preuves qu'il y avait des prisonniers de guerre en chez lui. Ça, c'est Troutman. Il s'appelle Troutman comme truth, tu sais, comme la vérité, parce que lui, il est gentil. J'aurais donc... dû comme plutôt l'homme truite. Moi aussi, bon oui. ben oui. On apprend juste après, parce que Rambo se fait kidnapper, on apprend que les Viet Cong sont en fait dirigés et approvisionnés par les Russes, les astites soviets premiers du Gaullis. À ce moment-ci, on comprend que les Viet Cong, c'était de la petite bière pour les soldats américains. T'sais, si c'était les Viet Cong contre les Américains, ça aurait été correct. Ensuite, on comprend que ces Viet Cong-là, ils étaient backés par des Russes super équipés. Fait que là, tu sais, là, à deux contre un, c'est encore correct. Mais dans le fond, là, on conçoit, en fait, pour preuve de la tuerie finale de 20 minutes remplie d'explosions, que c'était correct, les Russes et les Viet Cong. En fait, le problème avec la guerre du Vietnam pour les Américains, ce qui excuse leur seule défaite ever, c'est que les bureaucrates de Washington n'étaient pas tout à fait avec leurs soldats, que les intentions des décideurs n'étaient pas franches et que leur trahison est la cause principale de la défaite de nos cols bleus. Donc, Rambo, c'est comme un gros bombe parce que c'est un gars qui réussit, qui est capable. Et il explique que, dans le fond, c'est les bureaucrates qui nous ont trahis. C'était pas notre guerre, on n'était pas au courant. Puis peu importe comment qu'on pouvait tuer de Viet Cong ou de Russes, c'était pas le but de la gagner, cette guerre-là. Il y a un peu comme la vérité. Exactement. Et puis à partir de là, ben, il y a plein d'émules de Rambo qui se sont présentés. Mon cher Dieu, minutes pour aller voir le bout du film de ce soir. Quand je vous dis que ça ressemble à Rambo, là, c'est Frank Zagarino en bédaine, pas de poêle, dans la jungle, qui tue plein de mercenaires drounis avec des armes un petit peu questionnables. Et celle-ci en particulier, c'est quand même assez admirable. Vous allez voir, il y a des effets spéciaux. C'est à 23 minutes du début du film. C'est un film de Enzo G. Castellari. C'est en 87, c'est 10 ans après Star Wars, on le rappelle. Des séquences de Rambo. Lui, il lance des affaires un peu partout, les gens meurent. Que passe? Et c'est le moment de la vie. C'est pas pire, hein, dans le front comme ça. Il y a des couteaux partout. Et voilà, c'était le bout que je voulais vous montrer. C'est quand Frank Zagarino sort un slingshot parce que c'est pratique, c'est facile et ça fait du bien. Là-dessus, on s'en va au segment de notre ami Mathieu Boudreau qui, dans son excellence, porte sa chapelle, même s'il fait quand même assez chaud. Ouais, on va se déshabiller. C'est vraiment pas très beau. On n'avait pas regardé ça avant. Bon, on l'a fait pareil. Salut, Tommy. Salut. Mathieu. Salut. Oui. Salut. C'est le fun, tu ramènes ton coloc, ça veut dire qu'il est à l'aise. Ouais. C'est bon, ça. On aime bien ça. C'est ben pas oui. Trop de complexe, fait que à l'aise avec mon corps. Ah, bon, ben voilà. Ben oui, c'est vrai, il y a la bédaine l'huileuse pour ouvrir. Ah, c'est voilà. On va y aller tout de suite, hein, parce qu'on a du gros stock à soir. Il y a une recherche très sérieuse qui nous vient des États-Unis. Réalisé par la Research Institute of America. par un certain Christopher Ball, ou son nom en français, là, le Christ offre des testicules. Lui, tout le monde disait qu'il avait toujours tort, fait que pendant 40 ans, il a cherché l'axiome de la raison, hein, à savoir quel est le fondement même de cette raison humaine, hein, à savoir qui a raison et pourquoi. Cette quête testiculaire l'a mené à une découverte foudroyante. Il aurait, chez l'homme, trois grandes catégories d'intellectuels. Hein. Les gros pénis, les petits pénis et les cas particuliers. Donc, chez les gros pénis, on a Hubert Reeve. Hein? Oui, un pénis gargantuesque. Une fois empalé par Hubert Reeve, la raison nous atteint jusqu'au cœur. Absolument. OK. plus près de nous, ici, Fred Pellerin. Oui, Fred Pellerin, totem phallique du terroir québécois. Un grand. Paraîtrait qu'un moment donné, il s'était fait voler sa guitare en tournée, puis il a mis 6 cordes sur son manche. Il a quand même joué cette soirée-là. Sinon, beaucoup plus près de nous, Simon, notre coloc. Il faut le voir pour le croire, sans commentaire. Pour ce qui est des petits pénis, on a en France Sarkozy. Hein? Oui. Sarkozy microscopique. Ah, microscopique. Oui. D'où sa quête de pouvoir et ses liens avec les Desmarais. En effet, alors, puis Desmarais, ça veut dire qui vient des marais. Hein? Puis qui vient des marais, on pense tout de suite aux lézards. Hein? Oui. D'ailleurs, les lézards ont de minuscules pénis et n'ont donc jamais raison. Jamais. Sinon, plus proche d'ici... Plus proche d'ici, on a Nicolas Ciccone, histoire triste. Une triste histoire. Sa mère a mis un élastique autour quand il était jeune pour être sûr qu'il ne grandisse jamais. Jamais. Il ne savait pas qu'il y avait des répercussions intellectuelles. Ouais. Non, c'est ça. C'eût été un membre important de la communauté artistique. Sinon, hein, plus loin de nous, là, dans l'histoire, les pharisiens. Sans commentaire. Les cas particuliers maintenant, parce qu'il y en a beaucoup. Laurent Proulx, d'une taille moyenne. En fait, Laurent voulait une chirurgie pour avoir un plus gros pénis, mais son chirurgien le trouvait très très très correct et acceptable, donc il a dit non et il voulait pas faire la chirurgie. Donc il y a eu une injonction contre le chirurgien. Il a gagné, hein, parce que c'est Laurent Proulx. Il a finalement fait allonger son pénis, mais l'a fait rétrécir à sa taille initiale la semaine d'après parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour la première des chirurgies. Et voilà. Un acte héroïque. Absolument. cas particulier de dualisme phallique, Batman. Le jour où Batman colle son pénis à l'intérieur de sa cuisse, toujours sous débauche, les richesses, les excès, tout le monde lui donne tort toujours. Il a toujours tort. Mais la nuit, enfin, il enfile son costume et le phallus, bien en évidence, peut enfin devenir une figure d'autorité et de respect pour les gens de Gotham. Mm-hmm. Ça doit pas être facile pour lui de comme pas s'exprimer pendant la journée pour tout garder ça pour le soir. Ouais, il paraît qu'il y a beaucoup de pression le soir quand il met son costume, ça devient tough. Ouais. Quelque part aussi, le jour, il a un costume aussi, tu sais. C'est peut-être ça, le pénis. Peut-être. Sinon, plus proche de nous, probablement le cas le plus intéressant au Québec, hein? Paul Piché. Paul Piché, dans les années 70, avait un très, très gros phallus. Et maintenant, on le voit presque plus. Ouais. C'est pour ça que maintenant, chaque fois qu'il apparaît à la télévision, tout le monde trouve qu'il tape sur les nerfs parce que son phallus, qui est presque inexistant maintenant, il a perdu toute sa substance. Mm. On appelle ça dans le milieu une réduction progressive. Puis dans le cas qui nous intéresse particulièrement, c'est que moi et Mathieu, on a été à l'école secondaire ensemble, puis de nos mentors, Dick, professeur de biologie de secondaire 3, avait toujours raison et connaissait tout sur tout. Bon, on s'est toujours demandé quelle était la taille de son argument. Ce qui nous a inspiré, cet hymne à la raison humaine, « Show me your ». Alors, Mathieu... Je sais pas si on peut, là, on va faire ça comme ça. Ouais. Tu peux-tu éteindre la tonne plate qui joue? OK, cool. Thank you. philosophe. My virgin garden, give me wings on the rainbow road. While I see your big fat mountain right here in your pants, like a unicorn, such a form. Oh, Dick, show me your penis, Dick. Show me your dick. Show me your penis, Dick. Like a dolphin of joy, swimming in a fountain of grace. Fireworks ejaculate. I see your love all over my face when I see your big fat mountain. Right here in your pants, like a unicorn, such a form. Oh, Dick, show me your penis, Dick. Show me your dick. Show me your penis, Dick. Big cock on Dick. You think you can blow it, big cock on Dick? Show me your big cock on Dick. It's such a large penis, big cock on Dick. Show me your dick. Show me your penis, Dick. Show me your dick. Show me your penis, Dick. Dick. Show me your penis, Dick. Vous connaissez les paroles, allez-y. Show me your dick. Show me your penis, Dick. Sacrifice, les gars! Penis! Bravo, hein! C'est touchant, puis... Ouais. Penis! J'espère que Dick est conscient que c'est un bel hommage que vous lui faites. Oui, oui. On va y envoyer ça par face de book. C'est bon, parfait. D'ailleurs, j'espère... Hey, Dieu, on est rendu à ton choix de clip. C'est toi qui vas choisir ce qui s'en vient. On va se reposer un petit peu, relaxer, puis on va revenir pour Fred. Fred du futur. 2.0. Fred qui réveille. OK, je ferme les micros parce que c'est moi qui ai le pouvoir. Pour la nostalgie musicale, nous écoutons un succès interplanétaire, Elastica et Connection, back in the days. Sur nous 2.tv, la télé des délaissés. The new Samsung Series 9 isn't only the world's thinnest 15-inch laptop. Made. to Garfield and Friends. Garfield and Friends will return after these messages. Ah, merci encore, René, de s'ennuyer. Merci à qui? M-E-R-D-E. Il essaie de plus dire de gros mots. Chronique mystérieuse avec Fred Fournier. Les secrets de l'univers. Bienvenue de retour à l'émission. Donc, 2.0 maintenant. Donc, j'ai amélioré mon produit hein, pendant mon ressourcement spirituel. maintenant, je suis de retour avec des affaires numérisées, comme c'est un paquet, un flot d'influx de 1 puis de 0. Puis ça fait en sorte que ça devient 2.0. Je comprends rien là-dedans, mais au lieu d'avoir des petits bouts de papier puis tout, là, ça va être à l'écran. Là, fait que checker ça, moi puis toi, on va aller loin. Ah, oh, tu t'es scanné, mon chaman du futur. Scanné, tout ça. Oh. On n'a pas dormi beaucoup, puis on est allé déménager, puis tout. Fait que je viens de faire ça à la botte, à la dernière minute. Fait que, tu sais, la barre pas trop haute cette semaine. On a fait là, je veux pas mettre les espérances trop élevées, ça là. Moi, je pense que tu le tenais dans les J'ai pas pris de grand titre, vraiment, cette semaine. J'ai plus à regarder les images. Fait qu'on s'en va voir ça. Donc, c'est une chronique présentation d'Evian. Ah ouais, vivons jeunes. Ouais, ils ont mis des t-shirts. Ouais, ils ont des t-shirts de bébé pendant qu'ils sont sur une moto. Payés pour de l'eau, faut être conscient. 500 millilitres dans le métro. Next. Ça, vous l'avez remarqué, hein? C'est Londres ces temps-ci. La sécurité, c'est important. Ouais, parce qu'il y a des sports amateurs. Des sports amateurs, et c'est. Les Jeux du Peuple. Faites par les Berenstein Bears. C'est les Jeux du Peuple. Donc, c'est pour ça que, vu que la sécurité ne pouvait pas combler les besoins de sécurité, justement, donc Londres a eu besoin, a eu recours à l'armée et a ainsi construit une clôture de 11 km autour du stade olympique, électrifiée de 5000 volts, donc pour que les gens aient accès avec leur passe, tu sais. Selon l'ambiance, l'attitude de Pierre de Coubertin. Ouais, oh, vraiment. Oh, ouais, faut que tu suives, il y a une petite ligne au milieu, faut que tu la suives en crédit. Et t'es obligé de payer par Visa aussi. Ah, ben absolument. T'as-tu d'autres bonnes nouvelles à part les Olympiques? Ben, j'ai trouvé des images, hein, donc sur un ton plus léger, bébé girafe, en photo. C'est cachère, le girafe, ouais, tout ça. C'est un bébé girafe, là, pis tout. Oh, tu vois une photo du maire Gérald Tremblay. Un autre bébé girafe. Un autre bébé girafe. Il a l'air sa innocent, face de bébé girafe. Hein? Il ressemble à Gollum, me semble. Ouais, ça, en fait, j'ai pris le programme, ouais, on dirait qu'il a été imprimé sur un billet, tu sais. Ah ouais. On va être sur l'argent bientôt. Mais ça scanne bien ton affaire, en tout cas, vas-y. Ouais, j'ai trouvé, justement, j'ai pris le programme du festival Juste pour rire. Puis, on a toutes les instances gouvernementales qui nous rappellent que c'est important chaque année de se rassembler, afin de rire. Ben ouais. C'est important, le rire. Ben ouais. Donc, une fois par année. On voit John James. On rit. Aux élections. Et le troisième palier gouvernemental, c'est la Harper. Paf, hein, dans notre famille. C'est fou comment on est choyé, tu sais. On n'a même pas un Robert Bourassa sympathique qui passe parce que, tu sais, on arrive. C'est même pas un agent immobilier. Ah, yes, c'est ça. Ça pourrait porter à confusion. Tasse-moi ça. Son sourire. Je vais être direct demain, moi, c'est ça. Next. Harper contre la science. Ah! Donc, une grosse nouvelle choc, hein, cette semaine. Moi, c'est quoi, il est écrit en bas, contre la science? Non, Harper contre la science. Il y a des gens, des scientifiques qui sont allés manifester devant les communes. Chambre des communes. Les beaux manifestations. Et lui, il aime pas ça, la science. Il a dit, si, man, c'est comme la culture, ça, c'est pas important. Les arts, la science. Ça va se régler tout seul. Ouais. Ça va se régler. N'as-tu d'autres? Ah, il y en a d'autres? Ben ouais, certains. On en fait encore 5, mettons, OK? Ouais, ben on a fini, là. Inquiète-toi pas. Moi, j'en mets pas plus que 16. On a Bruce Willis ici qui fait son Bruce Willis Qui se fait prendre en photo par beaucoup trop de photographes en même temps. Il a l'air lendemain de brosse, c'est ça? Lendemain de brosse. Ouais, il y a quelques photographes qui prennent des photos de Ben, on va passer à la prochaine. Les narines comme nous autres, on les pogne. On va prendre du rythme, là. Marie-Chantal Toupin qui fait ça. Marie-Chantal Toupin. Ouais, ouais. On lui rend. Elle fait un album de Noël. Ouais, je vais faire un board de cette photo-là. En fait, je la trouve tellement écœurante. Je l'ai découpé, je l'ai plein de fois. Puis son sourire, ouais, sa bouche dit en dit long. La regarder dans les yeux. Ouais, dans la bouche. Yep, ça va. Next. Dans la gueule. Un D. Vous avez sûrement remarqué, hein, dans le journal gratuit, là, pendant l'hiver, Guillaume Lemaitre-Vierge était un joueur de hockey jouant pour une équipe non identifiée sur les putes de Hyundai. De Mazda. Hein, donc ça, c'était l'hiver. Maintenant, il a retrouvé son appareil de photographie. Donc, pendant les festivals, il joue au touriste. Certains qui le font en faisant des pubs. Ils ont des pubs adaptés aux événements du mois, genre. Ouais, selon la saison, la tendance. Depuis qu'il perd, lui, hein? On a Monsieur Overexposed ici, je ne rentrerai pas trop loin là-dedans, là, mais ça aurait peut-être être un thème récurrent, là. Lui, j'ai comme beaucoup trop de photos de lui en tout cas. Il est partout, il est partout. Ça a l'air qu'il est habile avec ses mains et il dit « Fais son marm, fais son marm, fais son marm. » Next, on ne peut plus le voir. Next. Obama de communicateur à compteur. Donc, la plupart des Américains disait que Obama était pas un bon compteur. Okay. Donc, il a travaillé là-dessus. On va voir sur la prochaine photo. Il a réchauffé la salle ici en disant, pour commencer, est-ce que ça va bien? Ouais! J'ai pas entendu! Est-ce que ça va bien? Ouais! Hey! Une fois, c'est un gars! Donc, juste moi, il suit le festival juste pour gars. Ouais, avez-vous remarqué? Donc, il gagne des points, hein, dans les sondages. Depuis qu'il est un compteur. Hey, on n'a pas le temps de rien faire quand on est président. Donc, c'est bon, c'est un article. Avant de se laisser, je voulais vous faire réfléchir un petit peu. Donc, ça, c'était important à l'été. Mettre son cerveau à écureuil. Dans la section emploi-formation. Oui, emploi-formation. Donc, c'est important de décrocher, puis de devenir un écureuil pendant l'été. Parce que, hein, on sait... Son cerveau à écureuil, c'est si reposant. Cela dit... Tu me laisses-tu lire les gros titres, s'il te plaît? Hey, passe à la prochaine. Non. Également enfin, les vacances. Oh, ouais. Quelle belle occasion de décrocher, de lâcher prise face à son boulot, voire de programmer à l'occasion son cerveau à écureuil. C'est si reposant. Cela dit, il est également important d'y arriver durant les pauses au travail, à l'heure du lunch, le soir, la nuit, dans ses rêves et bien sûr, les fins de semaine. C'est spécial. Zoom in sur l'écureuil, Dieu. Emploi, formation, ta-ta. T'es en you, est-ce que c'est? T'es bien loin. Ta-ta-ta. Et j'ai gardé la dernière pour la fin. J'ai gardé la dernière pour la fin. Ah oui. John James qui a mis son cerveau à écureuil. Voilà ce que ça donne. Tu vois, t'as beau, toutes nos meilleurs amis. Ben, merci beaucoup, Fred. Tu nous reviens tantôt avec encore un appât de... On va parler... On va parler pour vrai là, du film de ce soir qui est Striker. On va booker ça. On va même se saucer dedans parce que j'ai trouvé une séquence excellente à la fin qui illustre bien plusieurs concepts qui sont indispensables à notre quête. Peut-être, mon cher Dieu, si tu peux mettre le long métrage à 1h22 minutes. On va écouter un petit 5 minutes, mais je vais parler par-dessus aussi en même temps, là, comme ça va passer mieux. Mais quoi que c'est un très bon 5 minutes d'un très très bon film de 1987 avec Enzo G. Castellari dans la réalisation. Je te rends ta liberté. Et qu'est-ce qui me prouve que vous n'allez pas raconter à Rossen que je n'ai pas tué Maurice? Martha. Vous avez ma parole d'honneur que je n'en ferai rien. Ainsi, je me serais trompée sur votre compte. Voilà, c'est Striker. Toutou, ma belle. Tu fais ce que je te dis et tu viens. Ça, j'aimais ça, ce bout-là, parce que il lui parle beaucoup, avec beaucoup de respect. Là, je me suis dit, je vais mettre ça pendant que je règle des affaires. Parce que dans le fond, Striker, le film de ce soir, ça se passe pas au Vietnam comme Rambo 2, ça se passe en fait au Nicaragua, durant l'époque des contrats de Holly North, de la vraie vie. mais c'est sous l'exact pattern expliqué plus haut que le film tentera de se trouver des couilles. Stryker devra aller libérer un journaliste qui en se trouve des mains du méchant diplomate américain qui tente d'écouler des armes paisiblement auprès des milices locales de l'Amérique centrale. Rupert de Beauchamp Jr. Non, non, c'est Jean-Jérémy Saint-Gilles. Ben non, t'sais. C'est John Slade, le nom que prendra Frank Zagarino pour aller tuer une quantité inconcevable de drounis mercenaires. Les drounis mercenaires qui sont mes préférés. Comme dans Rambo 2, tout se passe dans la jungle et tous les personnages, sauf deux, trois éparpillés, sont méchants, donc en voie de décéder. Contrairement à la femme dragon qui se rendait de peine et misère à la note de moins 5 la semaine passée, Stryker flottille aisément autour du moins 7.5. Vous allez rapidement sentir la différence. On voit ici Enzo G. Castellari. Et on arrive en plein sur la séquence de Continuer sans moi que j'insistais pour vous montrer. Les séquences de Continuer sans moi qui sont fréquentes dans les films du Vietnam. Il y a toujours à la voie! Au travail du plancher, ça c'est pas hot. Et voilà, ici, séquence de speech. On va avoir deux beaux speeches d'affilée, ça vaut vraiment la peine. Continue sans moi. Je l'ai. Je peux tuer Maurice. Je le sais. Mais par chantage, Slade, tu sais, un chantage immense. Je sais qui est à l'origine. Je vais m'occuper d'eux. Reste calme. C'est plus cher, hein? La clé. Slade! Frank Zagarino, mesdames, messieurs. Comme ici, il vient d'apprendre c'était qui le boss des méchants, il va aller le voir. Il va avoir un excellent, superbe speech. Il danse, toi. Mesdames et messieurs, la Ligue des Patriotes Fédérés contre l'oppression représente le cœur même de notre Amérique et se dresse comme... contre l'hydre du communisme. Attends. Je sais que c'est plate, Tom, mais je dois mettre ça sur pause. Est-ce qu'on vient d'être témoin d'une simple erreur de transfert ou carrément d'une censure? Est-ce que tu le sais? Attends, on va réécouter l'extrait. Je pense que ça vaut la peine. Je pense qu'on vient de dénicher quelque chose. Il y a quelques belles erreurs aussi qui s'en viennent au niveau du montage. Tu vas voir, Dieu, tu seras pas fier. OK, on repart ça. Ça coupe, le son coupe complètement. Ouais. D'après moi, c'est de la censure. En tant que pseudo-spécialiste de censure, on retourne voir ça, on va découvrir. Slade! Ah, pas toi. Tu n'étais pas mort. Ça s'en vient. J'ai trop reculé. C'était quand même touchant. C'était tellement beau. Mesdames et messieurs, okay, ça s'en la Ligue des Patriotes Fédérés contre l'oppression représente le cœur même de notre Amérique et se dresse comme... Comme quoi, d'après vous, qu'il se dresse? Comme un dick. Moi, je vote communiste. Toi, Fred, toi, tu votes qu'il se dresse contre quoi? Comme un mur. Comme un mur communiste. Pourquoi il aurait censuré les murs? Ben, parce que ça fait référence à la guerre froide puis au mur à Berlin, tu sais. C'est ça, c'était gros pénis là, qui disait. Là. Continue, il y a d'autres combats, okay, vous parler. Contre l'hydre du communisme. Vous? viens de trouver c'était quoi en fait. Ah, un instant. C'est qu'ils se reviraient trop m'explique. Vite, ils ont commencé le speech trop je rapidement, fait qu'il fallait qu'ils rajoutent du temps pour qu'ils se revirent en même temps. Il avait viré au Pacifique. T'as tout compris, vous voyez-vous au pied de Moscou? Gardez donc vos discours pour vos électeurs. Écoutez-moi, Slade. N'oubliez jamais que vous êtes l'un des nôtres. Vous avez versé votre sang pour empêcher les communistes de nous humilier. Et tous nos braves qui ont versé le leur pour défendre notre drapeau, je les aime comme mes fils. Vous allez arrêter de vous planquer derrière le drapeau. Vous l'avez souillé. Alors que vous l'avez souillé. Avec toutes vos saloperies. Saloperies. Acting. Acting. Vous ne combattez pas pour votre pays. Vous créez des conflits qui vous rapportent. Combien vous avez empoché pour chacun d'eux? Par exemple, au Nicaragua, ça vous fait combien par mort? Et si jamais je vous dénonce, vous niez les faits en bloc, vous dites « Ah, comment aurais-je pu le savoir ?» Soyez raisonnable, John. On peut vous donner plus d'argent que vous n'en avez jamais eu. Mais ma parole, vous rêvez. Tout ce que je veux, c'est trois fois rien. Ça vaut pas cher. Ça veut dire combien, ça? Ça vaut pas cher, Jack Bain. C'est vous. C'est toi. Bonjour, mon casin, boum! Allez, file-moi un direct du droit, boum, boum! Je pense que c'est pas mal ça, tranquillement. C'est deux beaux speeches, hein? Là, on va écouter une toune, puis après ça, on revient pour la fin de l'émission avec Shaman Fred, là. Quelle toune? Ben... pas n'importe laquelle. Les brunes de ta poche de Éric Lapointe. Sur douteux.tv, la TV des délaissés. Ha ha! Toujours envie de l'ordre tant qu'un quillage, que les mains over some. Moi, je l'ai vu une fois de trop, là, encore. Plusieurs fois, une fois de trop. Là-dessus, ça va être tranquillement pas vite, les aventures de notre ami Shaman! Shaman! Comic Shaman! Shaman! Sont la vérité. Oh yeah, sont la vérité avec Fred Fournier. Shaman amazonien cette semaine, donc pas indien, nuance. Témoignage réel. J'avais... Problème technique. Oh yeah. Donc, témoignage réel. J'avais perdu tout désir. Tu peux le mettre hein, en même temps. On a les photos des chamans et tout. 2.0. Stresse-moi pas. Ben, Dieu, il est jamais stressé. Ouais. Il est partout en même temps. Il a l'air stressable, en tout cas. Faire attention. C'est parce qu'il fume. Entre autres. Fumer! Fait que les brumes de ta bouche seront toujours mouillées. Ben oui, de la brume, c'est de l'eau. Voyons, connard. Des postillons. De chaman! Témoignage réel! Donc, j'avais perdu tout désir sexuel et mon couple allait de mal en pire jusqu'au point de divorcer. Sexe! J'ai rencontré le vrai chaman! Chaman! Amazonien! Amazon! Et j'ai su que la magie noire était la cause de ma malchance. Malchance! Le meilleur ami de ma femme souhaitait détruire ma vie! Merci! Chaman! Adieu! Aucune marge d'erreur, 33 ans d'expérience. Chaman! Sont la vérité. Sont la vérité. La vérité. Guérisseur de naissance, 100% garanti. Chaman! Témoignage réel! Réel! Je suis marié à un homme plus âgé que moi. Les 6 derniers mois, sa santé s'est détériorée sans aucune cause apparente. J'ai été très affecté par la situation quand je l'aime. Après notre rencontre avec S comme Chaman! Chaman l'Amazon. L'Amazonien. Amazon. Nous avons découvert qu'il était victime de quoi? D'un mauvais sort jeté par une personne qui enviait son jeu de poste, son poste au bureau. Chaman! Envieur de poste au bureau, hein? Merci, Chaman! Chaman! De l'avoir guéri et d'avoir éloigné la personne qui souhaitait notre malheur. Et voilà. Paulina. Paulina. Je connais les secrets du succès et je sais comment résoudre les difficultés. Et l'impossible. Résoudre l'impossible, le guérisseur de naissance. Retour de l'être aimé. Il y a un numéro de téléphone, il va falloir se le faire en live à un moment donné. Là-dessus, merci Fred. Merci à Boudreau, merci à Andy, merci à Bernatché, à Louis. Merci aux pestateurs dans le salon, merci à Dieu. Merci à vous de nous suivre sur douteux.tv. Et rappelez-vous d'aller voter, je me permets un petit aparté parce que jeudi le 2 août qui s'en vient, c'est la nuit excentrique et puis Simon Préjean et Simon Chénier ont fait un montage particulier qui va ça passer. Va être bon ben voilà, ça va passer entre deux longs métrages lors de la nuit excentrique. Ramenez-vous là pour encourager le fait que tu sais la vie. Là-dessus. C'est jeudi le 2 août de 21h50. Venez en grand à la monde, salle J.A. de Sèvres au Festival Fantasia. On va avoir un méchant beau trip. Il va y avoir des archives pas mal rares et aussi la revanche des mortes vivantes. Bon, un ben, excellent voilà. Douteux. Fait que là-dessus, c'est Tommy Godette qui vous dit merci d'être avec nous et qui vous rappelle de faire attention à ne pas tomber dans les marches d'escalier. On va poursuivre à douteux.tv avec toutes sortes de clips, mais surtout, juste ensuite, c'est Striker de 1987 de Enzo G. Castellari, un film excellent, pastiche de Rambo 2. Faites attention à vous autres, comme je viens de dire, puis j'ai plus rien à dire. Striker! Oh yeah! Come